cœur. C'est le circuit morbide de notre petit facteur. C'est pas pour son métier car il part sans missive. Prend des coups si osés, accointances excessives. C'est maintenant du houblon qui circule dans ses veines. Plus il boit, plus il est con. Je sais, je suis le même. Où vit-il, Aragon? Tu l'as encore vu juste, il reste planté là, grillé de barre, tel un arbuste mort. De l'effet. À la 15e, il va pisser, à la 30e, il va vomir, la 40e, il a sa race, il mêle le vomier, la chiasse, ça l'inspire comme chaque jour. Bibiné, grand mot d'amour, faminé, topinambour, bourre sa gueule, gueule dedans, mort aux dents. Mort dedans, corps qui saigne du houblon, cœur qui baigne et qui flotte encore dans son jus de mort. Car l'amour n'attend pas. Au moins y'en a qui t'attendent. Et ça c'est déjà ça.